Bon, ben merci beaucoup pour cette invitation et ces échanges croisés, multiplement croisés, de toute évidence. Bon, on peut parler des communs de différentes manières. Quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a 6 ou 7 ans, on était vraiment une toute petite poignée. Il se trouve qu'à notre surprise, c'est devenu un thème tout à fait à la mode et que on nous explique à nous partout ce que c'est qu'un commun, etc. Bon, tant mieux. Donc je vais consacrer quand même une partie non négligeable du temps qui m'est imparti à des questions de définition, hein, et de précision sur les concepts. Parce que je pense que précisément compte tenu du succès, entre guillemets, de la notion, on nage dans la confusion. Hein. Et donc je crois qu'il est tout à fait important de bien préciser de quoi on parle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots. Comme ça a été dit, c'est un travail collectif qu'on a mené pendant 42 mois. On a été heureux, si je peux dire, puisqu'on a obtenu un financement de l'ANR, l'Agence nationale de recherche, qui est un des derniers... dernière source de financement en sciences sociales à peu près correcte, si je peux dire. Donc on a pu travailler proprement. On était une vingtaine de chercheurs, économistes, juristes, historiens, pour l'essentiel. Et on a pu faire des études de cas, inviter des collègues étrangers, organiser des réunions diverses sur différents aspects. Voilà, et c'est donc ça qu'on a publié dans l'ouvrage que vous avez indiqué, enfin les conclusions essentielles, mais je vous signale que il y a en ligne, en commun, en accès ouvert, tous les travaux qu'on a conduits, donc en l'occurrence 29 working papers plus les actes du colloque final qu'on a tenu, et vous trouvez tout ça en tapant sur Google, vous tapez Propice, parce que c'était le nom de notre projet, Propice pour propriété intellectuelle, exclusivité et commun, donc Propice, MSH Paris Nord, parce que c'est la MSH Paris Nord qui a hébergé. Propice.msh. Non, non, vous faites juste Propice sur Google, Propice, MSH Paris Nord, hop, vous arrivez sur le site. Enfin, on va vous donner l'adresse du site, qui est un site MSH Paris Nord, vous verrez. L'adresse de ce site étant d'ailleurs rappelée dans l'ouvrage. Oui, l'adresse du site est rappelée dans l'ouvrage. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Vous verrez, il y a les 29 working papers, il y a les 20, etc. Mais il y a aussi un site qu'on a fabriqué dans le cadre du projet, qui est une histoire des débats sur la propriété intellectuelle au 19e et qui va un peu même jusqu'au 20e. Et c'est une histoire qui est extrêmement enrichissante, si je peux dire, précisément sur le fait qu'il n'y a pas du tout de concept simple de propriété, qu'il n'y a jamais eu de concept simple de propriété. Bon, je vais y revenir justement. Refaire de l'histoire permet de l'établir de manière extrêmement claire. Alors, ce que je voudrais vous proposer ici, le menu si vous voulez, c'est brièvement les points suivants. D'abord, je voudrais présenter et discuter deux concepts complémentaires de commun et de bien commun, mais qui ne sont pas recouvrables l'un par l'autre, et montrer la spécificité de chacun de ces concepts. Déjà, si on voit clair sur les différences entre ce que c'est un commun et ce que c'est que du bien commun, on aura fait quelque chose. Ensuite, je voudrais parler... Enfin, plus exactement, le second objectif, c'est de parler de l'origine de ces concepts, d'où ça vient, et puisque l'ouvrage s'appelle « Le retour des communs », essayer d'expliquer pourquoi l'ouvrage s'intitule « Le retour des communs », de la même manière que j'essaierai d'expliquer le sous-titre « La crise de l'idéologie propriétaire ». Ensuite, je voudrais dire quelques mots quand même, c'est toujours dans les objectifs, pourquoi, à notre sens, les communs sont si importants. Et je vais le dire tout à fait clairement, c'est en ce sens que l'association avec les travaux qui ont pu être conduits par Castoriadis n'est pas du tout fortuite. En quoi les communs sont des outils et des instruments pour la transformation sociale, en tout cas, peuvent être utilisés dans cet esprit. Je pense que c'est un objectif que Castoriadis n'aurait pas rejeté. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est ce que je vous propose donc, c'est une espèce d'approche historique et thématique. C'est-à-dire comment le thème des communs s'est donné dans l'histoire et comment il est revenu. Alors, je commence par un très bref rappel de la relation commun en closure, qui en principe a été bien étudiée, mais pas autant qu'on croit. Il y a toujours beaucoup de débats ouverts sur ce sujet, pour dire la chose suivante. Donc les communs, ça vient de quoi? Ça vient essentiellement d'une situation que, enfin en tout cas, pour sa partie documentée, parce qu'il y a des communs dans, dans les pays du Sud, autant qu'on veut, mais la partie documentée, la partie sur laquelle on a des archives, des textes, etc., c'est en gros l'Angleterre du 12e au début du 19e siècle, dans lesquelles les campagnes étaient très largement ouvertes, non encloses. Ça veut dire que les campagnes étaient des communs, étaient des commons, des terres de commun, sur lesquelles les communautés villageoises, ou les paysans individuels, prélevaient une partie très importante de leur subsistance et de leur reproduction. Donc c'était des droits coutumiers, mais qui étaient à l'époque extrêmement solides. La partie du droit codifié, de toute façon, était elle-même pas si importante que ça. Pas du tout aussi importante qu'aujourd'hui. Beaucoup de droits étaient des droits coutumiers. Donc le droit des commoners, comme on les appelle, c'était un droit coutumier, comme les autres. Bon, et c'était un droit de prélever de la tourbe pour se chauffer, un droit de prélever des fruits, un droit de prélever des herbes médicinales pour se soigner, un droit de prélever du gibier dans les forêts, sous toutes ses formes, un droit de faire pâturer les bêtes dans les prairies, bien. Et j'ai vu que le titre s'appelle « Autonomie et barbarie », le titre de votre ouvrage, cette situation assurait une très grande autonomie dans la capacité de reproduction des commoners. Voilà. La partie enclose, c'est-à-dire sous forme de propriété privée des terres, exploitée par le clergé, exploité par les nobles, exploité par des bourgeois enrichis qui détenaient des terres à titre privé, ne constituait, bon, il y a différentes évaluations, il y a des débats entre historiens, mais ne constituait la plupart du temps que entre 40 et 50% des terres, et l'autre moitié était sous forme de commun. Donc c'est pas du, on ne parle pas de choses marginales, hein, on parle de choses massives, hein. On parle de conditions de reproduction de populations entières. Voilà. Alors, cette situation, elle était elle est devenue, à partir d'un certain moment, très intolérable pour les classes dominantes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les différents notables des campagnes ne rêvaient que d'enclore ces terres communes pour enrichir leur propre domaine, d'un côté. Et de l'autre côté, du côté des pouvoirs publics, on était aussi très peu satisfait de cette situation-là. L'Angleterre en particulier du 18e est celle qui commence son expansion internationale. Donc elle a besoin de chair à canon, elle a besoin d'hommes pour sa marine, pour son armée. Et ces commoners sont réticents à tout enrôlement parce qu'ils n'ont pas besoin de s'enrôler. De la même manière qu'ils n'ont pas besoin d'être salariés parce qu'ils tirent une partie très importante de leur subsistance de ces terres libres. Voilà. Et donc, l'État va favoriser les enclosures pour forcer les gens à se couper de leurs moyens de reproduction et donc de se forcer à s'enrôler. Même raisonnement du côté des villes et des manufactures, hein, où on a besoin de bras et on a besoin... Alors ça, ça a été très étudié par Marx, hein, l'accumulation primitive, le fameux chapitre 22 du Capital. On a besoin de rendre le travailleur, dit Marx, libre de sa terre. Il n'a pas raison, surtout, il n'a pas tout compris. Hein. C'est Voilà, c'est une autre discussion. Enfin, sur le fond, il a compris. Sur les détails, les historiens ont apporté beaucoup de choses que Marx n'avait pas vues. Bon, dans tous les cas, il a raison sur un point, à savoir, il y a une connivence entre les notabilités locales, la bourgeoisie des manufactures et l'État, la couronne, pour mettre fin à cette situation de reproduction libre et autonome à travers les communs. D'où le grand mouvement des enclosures, le grand mouvement des enclosures qui va mettre fin à ces communs, avec toutes sortes de formes de résistance, de tension. C'est une longue histoire, hein, la lutte pour casser les communs, pour briser les communs et pour faire les enclosures. Je vous signale juste que vient d'être publié en français un ouvrage absolument magistral de E.P. Thompson, qui n'était disponible jusqu'à présent qu'en anglais, qui s'appelait Customs and Commons, et qui est justement une série de travaux sur ce que c'était que les communs, ce que c'était que les droits d'usage, comment ils ont évolué, comment la jurisprudence, dans certains cas, les a protégés, mais a surtout cherché à les attaquer. Bon, l'ouvrage vient d'être publié en français. L'ouvrage vient d'être publié en français. Je pense, enfin, pour moi, c'est un événement littéraire important. Sous le titre Coutume et commun, quelque chose comme ça, je crois bien. Oui. Enfin, en tout cas, en anglais, c'est Customs and Commons, mais bon, vous tapez E.P. Thompson, boum, ça va apparaître tout de suite. Bien, c'est un gros ouvrage en plus. Et il faut s'en réjouir, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de quoi s'enrichir. Bien, voilà pour. C'est pour dire que le débat n'est pas du tout clos, hein. Il y a toutes sortes d'historiens qui reviennent sur cette période-là et qui réapportent sans arrêt des éléments. Ce n'est pas du tout une période simple et ce n'est pas du tout une période sur laquelle on sait tout. Pas du tout, pas du tout. D'autant que, voilà, on va assister dans les années 1980, donc. Un siècle et demi plus tard, au moins, au retour des communs. Alors, c'est quoi le retour des communs? Ça aussi, c'est un épisode très peu connu, mais je voudrais en dire un mot. Dans les années 80, le NRC, National Research Council, qui est une sorte, aux États-Unis, de Haut Conseil de la Recherche. Le Haut Conseil de la Recherche, en France, en gros, il ne sert à rien. Mais aux États-Unis, il sert à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a un système de veille, un peu sur la planète et sur tous les sujets. En fonction des messages qu'il capte et qu'il décrypte, il définit les priorités de la recherche à promouvoir dans les 5-10 ans à venir. Et les agences de recherche qui sont pourvues en argent, ensuite, suivent ces orientations du NRC. Et il vient au NRC la nouvelle qu'en zone tropicale, on assiste à une dégradation accélérée des sols et une baisse de la productivité agricole. Ceci est évidemment extrêmement inquiétant, parce que non seulement on a des problèmes de reproduction des populations locales, mais pour l'alimentation de la planète, il y a toute une série de biens qui peuvent être produits qu'en zone tropicale. On ne peut pas fabriquer des bananes et du café à Quimper ou à Helsinki. Bon, donc, le NRC prend ça très au sérieux et décide d'organiser une grande réflexion sur pourquoi ces dégradations en zone tropicale. D'autant que il lui revient, toujours par les mêmes canaux, bon, que l'une des causes, c'est peut-être, c'est sans doute, les grandes privatisations de masse auxquelles la Banque mondiale a procédé ou fait procéder dans les zones tropicales. Parce que la Banque mondiale, à ce moment-là, change de doctrine. Jusqu'aux années 60-70, la Banque mondiale a une doctrine très assise qui est qu'il faut d'abord construire des États et des États forts, et que ces États forts doivent d'abord construire des infrastructures, et que c'est ça la base du développement. À partir des années 70-80, c'est le Reaganisme, le Thatcherisme, etc., la Banque mondiale change complètement de vision du monde et pose que seul le marché est efficient, seul le marché sait, seul le marché peut faire de l'allocation de ressources intelligentes. Vous avez cité à plusieurs reprises le néolibéralisme. La Banque mondiale a été un des instruments fondamentaux de la diffusion du néolibéralisme, notamment dans les pays du Sud. Et donc a fait procéder à des grandes privatisations. Et donc, Le NRC réunit un certain nombre de chercheurs qu'elle finance pour aller faire des études à travers la planète sous l'hypothèse suivante. Alors je vais employer une expression que la Banque mondiale n'emploie pas, mais ça revient au même. Cette grande enclosure des terres auxquelles on a assisté au sud est-elle l'une des causes de la dégradation des sols à laquelle on assiste? Et elle pose la question de manière tout à fait explicite. La destruction des communs auxquels on a procédé au sud n'est-elle pas une des causes de la dégradation constatée? Et on réunit à la fin des travaux une grande conférence à Annapolis en 1984. Et cette grande conférence, elle est pilotée, c'est pareil, il y a le bouquin de la conférence d'Annapolis, tout ça est parfaitement documenté, et les conclusions sont confiées à quelqu'un qui s'appelle Elinor Ostrom, qui va devenir donc prix Nobel d'économie, curieusement, parce qu'elle est, politiste de formation. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de prix Nobel qui sont beaucoup moins mérités, enfin en économie, que celui qui a été attribué à Ostrom, parce que dans son cas, il y a de vraies contributions scientifiques, pas du tout le cas de la majorité des prix Nobel d'économie qui ont été attribués, mais enfin, ça c'est ma casquette d'économiste atterré, on pourra y revenir si vous souhaitez. Bon, en tout cas, c'est Elinor Ostrom qui chapeaute et qui pilote, si je peux dire, les conclusions. Et les conclusions d'Elinor Ostrom sont tout à fait claires. Les conclusions d'Elinor Ostrom sont, oui, une des causes de la dégradation constatée est liée à la destruction des communs. Et pour deux raisons. D'une part, parce que la destruction des communs a privé, à travers les privatisations, a privé toute une série de populations de leur rapport direct à la terre et donc a cassé les compétences et les connaissances locales traditionnelles concernant la reproduction des écosystèmes. Dans la notion de commun, il y a une notion de proximité. Donc il y a à la fois une notion de démocratie et une notion de compétence et d'efficacité en termes de gestion des écosystèmes. Bien. Donc ça, c'est une partie de l'explication. Et l'autre partie de l'explication, c'est que tous ces gens expropriés par la privatisation de masse, ils ont atterri où? Sur les communs qui survivaient. Et ce déséquilibre démographique d'ailleurs, a écrasé les communs sous des poids tels que non seulement ils ont été détruits là où, par la privatisation, mais là où ils ont existé, ils ont été totalement cassés par ces migrations de populations, parce que la privatisation n'a pas seulement retiré la terre des commoners, elle a aussi expédié vers les communs restants les populations qu'elle n'était pas capable d'absorber. Bien. Alors, il y a d'autres raisons, etc. Et donc, après cette conférence, Ostrom prend 4 ans de réflexion, si j'ose dire, et en 1990, elle publie son grand ouvrage qui s'appelle « Governing the Commons », donc qui est aussi traduit en français chez De Broc, et qui, bon, en français, donc, ça s'appelle « Gouverner les communs », et qui est le bilan tiré, si j'ose dire, à tête reposée de l'ensemble de ces expériences-là. Alors je vous dis ça parce que comme il y a des dizaines, voire des centaines d'articles publiés par Ostrom, parce qu'elle a beaucoup écrit en tant que co-auteur avec toutes sortes de collaborateurs à travers là, on s'y perd un peu dans les productions d'Ostrom. Bon, alors en tout cas, c'est pour la raison pour laquelle je vous dis, s'il faut lire une chose, lisez ça. Lisez Governing the Commons, Gouverner les communs, l'ouvrage de 90, et lisez un article. Vous voyez, je recommande deux choses. Un ouvrage, un article, alors qu'il y en a plusieurs centaines. Bon, un article, c'est l'article de 1992, qu'elle a écrit avec une juriste qui s'appelle Schlager, S-C-H-L-A-G-E-R. Et qui est sur Property and Commons, donc précisément sur la question du droit de propriété dans les communs. Alors, je vous le dis quand même, l'ouvrage de 1990 est un ouvrage magistral, mais la grande percée théorique sur la question du droit de propriété, elle est ultérieure à l'ouvrage des communs. Elle est de 92. Donc en fait, il faut relire l'ouvrage de 90 à la lumière de la percée de 92 parce qu'il prend encore plus d'ampleur. Bon. Mais bon, c'est pas... Bon. Très bien. Alors, maintenant, je vais aller plus vite, mais ces éléments, je veux dire, un peu d'histoire des faits et d'histoire des idées sont très importants. Alors maintenant, on va pouvoir commencer le travail proprement conceptuel, si je peux dire. Un commun, c'est quoi? Donc, en partant d'Ostrom, un commun, c'est trois choses. Et il faut qu'il y ait ces trois choses à la fois, parce que s'il n'y a pas ces trois choses à la fois, on n'a pas un commun. On a éventuellement un bien commun, on a des ressources partagées, on a des ressources en accès ouvert, etc. Mais on n'a pas des communs. Un commun, c'est trois choses. Premièrement, c'est une ressource ouverte, mise en commun, auquel différents ayants droit ont accès de manière libre. Donc, c'est une ressource. Cette ressource, chez Ostrom, au départ, c'est d'abord une ressource foncière. Hein. C'est une pêcherie dans un lac, c'est un pâturage, c'est... un système d'irrigation autour d'un fleuve, c'est etc. D'accord ? Mais ensuite, il va y avoir, je vous en parlerai dans une seconde, il va y avoir toutes sortes de communs informationnels. Hein. La ressource en accès partagé peut être une base de données. Hein. Peut être une base de données, une base informationnelle. Bien. Donc, il faut une ressource. Il faut deuxièmement, et je fais référence à des choses que vous avez évoquées dans votre introduction, il faut une distribution des droits d'accès, d'usage de cette ressource, d'exploitation de cette ressource. Et c'est ça la notion de bundle of rights. C'est le fait qu'une communauté d'acteurs, d'agents, en général riveraines, mais pas nécessairement, j'y reviendrai, dispose de droits et d'obligations vis-à-vis de cette ressource. Et c'est l'article de 92 dont je vous parlais, c'est l'article sur les bundle of rights, précisément. Dans son ouvrage de 1990, vous ne trouvez pas la notion de bundle of rights. Elle n'a pas encore élaboré cette notion. En fait, ce n'est pas elle qui l'élabore. Elle existe dans le droit anglo-saxon, mais elle s'en ressaisit à partir de 92 pour en faire un des constituants des communs. Bon, cette notion est essentielle. Et puis, il faut une troisième chose. Hein, donc, il faut une ressource, il faut des droits partagés, et il faut une structure de gouvernance pour faire respecter les droits et les obligations. Les communs, je vais peut-être vous décevoir, mais ça ne fait rien, je vous le dis, les communs, ce n'est pas un monde de bisounours. Hein, ça veut dire qu'il y a des droits partagés et chacun ne doit pas outrepasser ses droits, parce que sinon, on détruit la ressource. Bien. Et c'est ça qui distingue les communs des champs, par exemple, ou des ressources en accès ouvert, lesquelles ne sont pas gouvernées. D'accord ? Allez, je vais faire un saut. Le climat, vous voyez, c'est une ressource partagée. On est supposé avoir des droits et des obligations vis-à-vis de ça. Hein. Il y a des interdictions de polluer, etc. Mais ce n'est pas gouverné. C'est-à-dire que ces droits et ces obligations ne sont pas clairement fixés et personne ne les fait respecter. Donc, le climat, vous voyez, c'est au mieux un bien commun. Mais ce n'est pas un commun. Mais ce n'est pas un commun. Parce qu'un commun, il est gouverné. Hein. Et c'est ça qui assure sa reproduction à long terme. Et qui assure la reproduction de la communauté qui vit de ce commun. D'une certaine manière, hein, je vous le dis comme je le pense, la COP21, et puis comme elle va échouer, comme vous l'avez tous compris, j'imagine, donc la 22, la 23, la 24, etc., elles vont avoir comme objectif, et elles ont comme objectif, de transformer le bien commun en commun. D'installer une structure de gouvernance. Bien. Voilà donc pour la définition du commun. Si on va plus profondément, au cœur du commun, il y a cette notion de bundle of rights. Il y a cette question de faisceau de droits. Alors, les droits principaux, c'est des droits d'accès et de prélèvement de la ressource. D'accord ? Mais il y a aussi des droits qui concernent le management de la ressource. La gestion de la ressource, l'administration de la ressource, parce qu'il peut se passer des tas de choses. Prenez le cas d'une pêcherie. La pêcherie, c'est souvent un exemple utilisé par Ostrom. La pêcherie, on peut avoir une disparition de certaines d'une partie de la ressource halieutique. Certaines espèces de poissons peuvent disparaître, ou même la ressource elle-même peut tout d'un coup diminuer pour des raisons d'équilibre écologique très très complexes que personne ne comprend très bien. Donc il faut que le commun soit gouverné, c'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là changer la nature des droits de prélèvement pour s'assurer qu'on ne va pas précipiter la disparition de la ressource et qu'au contraire, on va favoriser sa reconstitution. De la même manière, et ça arrive tout le temps, il y a des nouveaux outils qui interviennent. Par exemple, des bateaux de pêche beaucoup plus puissants, des filets à mailles beaucoup plus resserrés, qui sont capables dans un même temps de prélever. S'il n'y a pas une structure de gouvernance pour gérer ça et modifier les droits de prélèvement, on détruit la ressource. Or, le cœur du commun, c'est d'assurer la reproduction conjointe de la ressource, de l'écosystème et de la communauté qui en vit. D'accord ? C'est fait pour ça, le commun. Bon, à travers des choses dont on parlera sans doute tout à l'heure, des formes de démocratie nouvelles et renouvelées. Bien. En tout cas, ce qui est très important sur la notion de commun chez Ostrom, c'est que on a un changement dans la théorie des droits de propriété. C'est la fin de la notion de droit de propriété conçue comme privé et exclusif. Le commun installe avec une structure de gouvernance de la propriété partagée où les différents attributs du droit de propriété sont redistribués et réalloués à différentes communautés d'usagers. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais quand même elle est très importante. La grande catastrophe en France, c'est le Code civil de 1804. Pourquoi ? D'abord, le Code civil de 1804, il n'a pas été fait par les révolutionnaires, comme on vous a appris quand vous étiez petit. Il a été fait par les contre-révolutionnaires. Il a été fait par les thermidoriens. En 1804, c'est les thermidoriens. Bien. Et, comment dire, la manifestation du fait que le Code civil a été fait par les thermidoriens, c'est que, alors que la France de 1804, on sort à peine de l'Ancien Régime, vous voyez, c'est 20 ans de la Révolution française, bien, est couverte de communs. Il n'y a que ça des communs en France. Il n'y a que ça. Il y a plus de communs que de propriétés privées. Il n'y a pas un article dans le Code civil, pas un, qui codifie les communs, qui organise le système des droits autour des communs. Pas un. Le Code civil est, un éloge et une rhétorique entièrement constituée autour du droit de propriété comme droit de propriété plein, entier, exclusif, inaliénable, etc. etc. Bien. Et c'est un code entièrement normatif. Ça veut dire que... voilà. Alors, s'il y a un article 734 dans le Code civil, c'est presque à mourir de rire si c'était pas si triste. Il y a un article 734 dans le Code civil qui dit « Et puis, il y a des choses communes. Hein? » Et il y a deux sortes de choses communes. Mais je veux dire, il faut bien comprendre que nos législateurs des 1804, ils sont entourés de communs, ils vivent de communs. Hein, bon, et la seule chose qu'ils trouvent à en dire, c'est il y a des choses communes. Il y a deux choses de choses communes. Les choses communes qui sont communes parce qu'elles ne sont pas divisibles, elles sont communes par nature, l'air, l'océan, bon, et les choses qui sont communes parce qu'elles n'ont pas encore été appropriées. Évidemment, elles ont vocation à le devenir, forcément, pensez bien. Comme dans le... et elles vont appartenir au premier occupant, sous-entendu, comme le terrier de Jeannot Lapin, vous savez, dans la fable de La Fontaine. La terre est au premier occupant, le commun est au premier occupant. Voilà. Voilà la philosophie implicite du Code civil. Alors c'est un sérieux problème, hein. C'est un sérieux problème pour les commoners d'aujourd'hui, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a un mouvement absolument formidable et magnifique de gens qui fabriquent des communs dans tous les domaines. Ils ont peu d'instruments juridiques sur lesquels s'appuyer. Et on a absolument besoin de créer des outils juridiques, des ressources juridiques pour favoriser le développement des communs. Je vais peut-être vous surprendre, ça n'arrivera pas souvent là, mais je vais quand même vous le dire. La loi d'Axel Lemaire sur le numérique... ce qui va vous surprendre, c'est que je vais dire du bien d'un ministre de Hollande. Enfin, j'espère que ça va vous surprendre, sinon je me sentirai offensé. La loi d'Axel Lemaire est en train d'essayer d'établir de la protection du commun. C'est-à-dire qu'elle définit dans un article 8, elle définit ce qu'elle appelle, ce que la loi appelle un domaine commun positif, parce que grâce à nos thermidoriens, grâce au code civil, le domaine commun, c'est ce qui n'appartient, c'est ce qui reste quand la propriété privée est passée par là. C'est un reste. Et c'est défini négativement, le domaine public. C'est ce qui n'est pas approprié privativement. Donc, Axel Lemaire, la loi d'Axel Lemaire, l'article 8, essaye de définir un domaine commun positif, qui contient les œuvres d'art, le patrimoine culturel, le patrimoine littéraire, une partie du patrimoine scientifique, etc. Et d'autre part, elle est en bataille, elle va perdre malheureusement, mais bon, au moins elle aura tenté la bataille. Elle est en bataille avec les grands éditeurs scientifiques, Elsevier, etc., pour introduire une notion de commun scientifique. Donc ça nous concerne tout ce temps qu'on est là, comme chercheur déjà confirmé à venir. Et en gros, ce qu'elle essaye d'établir, c'est l'idée, ok, très bien, il y a des éditeurs scientifiques, etc. Mais on ne va pas leur céder le droit d'auteur pour 70 ans, parce que c'est ça qui se passe. Hein. On cède, en tant que chercheur, quand on signe dans une revue, on cède son droit d'auteur pour 70 ans sur tout support existant et à venir, et y compris les droits voisins qui pourraient surgir dans les 70 ans qui viennent concernant... Et elle dit, ok, vous avez un monopole de 5 ans. Et au bout de 5 ans, hop, ça devient un commun, parce qu'elle veut créer des communs scientifiques. Voilà. Donc c'est pour vous dire que cette question quels sont les outils juridiques qui garantissent l'existence des communs, elle est essentielle. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les premiers commodores, ceux de Hippie Thompson, ceux des premières enclosures, une des raisons pour lesquelles ils ont été balayés, c'est qu'ils s'appuyaient sur un droit communal, sur un droit oral extrêmement fragile, et que les cours de justice, aux mains des classes dominantes, ont eu vite fait de balayer tout ça en introduisant de la propriété privée. Voilà, enfin, c'est juste une parenthèse. Ça, c'est par exemple un de mes points de divergence important avec Dardot et Laval, qui s'assoient sur le droit en disant « ça n'a aucune importance, c'est zéro, ce qui compte, c'est l'agir commun, etc. » Mon œil, vraiment mon œil. Bon, on en reparlera. C'est très important, le droit pour les communs. S'il n'y a pas un droit des communs, il ne se passera rien du tout, absolument rien. Parce que c'est pas dans l'intentionnalité des communs, c'est l'intentionnalité qui s'institutionnalise et qui s'institutionnalise dans le droit. Bien. Voilà. Alors, je finis avec les communs d'Ostrom, et puis je dis après juste une chose et j'aurai fini. Donc, finalement, les communs d'Ostrom, parce qu'après je vais vous parler d'autres types de communs. Les communs d'Ostrom, il faut avoir en tête, par exemple, le commun type d'Ostrom, c'est le lac et la pêcherie, où il y a un ensemble de gens qui ont des droits d'usage, des droits de prélèvement, etc. Bien. Alors, d'abord, le commun d'Ostrom. Les caractéristiques du commun d'Ostrom, si je peux dire, chez Ostrom ou d'Ostrom. Bon, c'est un commun foncier, donc c'est un pâturage, une pêcherie, etc. Bien. À son origine, il y a des règles d'usage, des communautés riveraines. Ces règles d'usage se sont ensuite codifiées et ont été, en général, validées par des autorités supérieures. La région, l'État, etc. Bien. Troisièmement, c'est un commun dont le management, dont la gestion est community-based, c'est-à-dire qu'il est géré par les commoners eux-mêmes. C'est pas une tierce entité qui gère le commun pour le compte des commoners. Non, les commoners gèrent le commun. D'accord ? Et c'est ça d'ailleurs qui garantit la reproduction à long terme des écosystèmes. C'est plutôt un commun de taille moyenne. Ostrom dit, c'est entre 5 000 et 15 000 personnes, les communs que j'ai étudiés, en gros. Et donc, vous voyez, ce n'est pas les communs globaux. Ce n'est pas le climat. Ce n'est pas l'océan. Parce que ça, c'est autre chose. Ça pose d'autres problèmes. Ça, c'est des biens communs qui ne sont pas des communs. C'est autre chose. C'est pas le contraire, C'est pas le contraire, mais il manque des éléments. Mais ça, je ne vais pas insister, je passe. Voilà. Alors, je finis en vous disant que, pour l'essentiel, la théorie des communs, la réflexion sur les communs, Elle s'est construite autour de cette histoire des communs fonciers d'Ostrom, etc. Bien. Mais, alors, je ne veux pas finir sans parler de ça, par un de ces hasards de l'histoire qui n'en sont pas, hein, qui n'en sont pas, surtout quand ils ont cette force-là, dans les années 80, on a une deuxième origine des communs, une deuxième source des communs, qui n'a absolument rien à voir avec celle d'Ostrom. Et cette deuxième origine des communs, cette deuxième source des communs, c'est l'histoire du logiciel libre. Alors, c'est quoi ? Les années 70 sont des années d'extension de la propriété intellectuelle, donc de la propriété, c'est ça que j'appelle l'idéologie propriétaire, hein, c'est l'idéologie que la seule forme de propriété, c'est la propriété privée exclusive, et que sans elle, l'économie ne peut pas marcher. Hein. C'est les deux préceptes du néolibéralisme, bien, de base. Donc, l'idéologie propriétaire fait que la propriété privée s'étend dans le domaine de la propriété intellectuelle à des objets démultipliés. C'est à ce moment-là qu'on instaure des choses totalement folles, quoi, hein, mais vraiment folles, hein, qu'on instaure la brevetabilité des gènes. L'information scientifique contenue dans les gènes humains, il n'y a rien de plus... qui relève plus de l'universel, il n'y a rien qui relève plus de ce qu'on appelle la basic science, hein, la science de base, ben, vous pouvez breveter. Vous pouvez breveter la structure informationnelle d'un gène. Bon. On peut breveter non seulement des logiciels, mais les algorithmes mathématiques qui servent de base aux logiciels. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. C'est ça la folie propriétaire. J'étais gentil, hein, de dire la crise de l'idéologie propriétaire, parce que on a vécu une période de folie propriétaire. D'ailleurs, une partie de la jurisprudence essaie de revenir en arrière, hein, sur ces trucs-là. Bon. Et donc, les logiciels qui étaient des communs, hein, c'est-à-dire les codes sources étaient disponibles, les gens coopéraient pour les transformer, pour les utiliser, pour les distribuer, c'était des communs. Ils sont devenus propriétaires. Et heureusement, un certain nombre de gens se sont opposés à ça, et tout particulièrement quelqu'un qui s'appelle Richard Stallman, et qui a dit pas question, le logiciel doit rester, parce que c'est de l'information codifiée, doit rester libre, et il fait un hack, comme on dit dans le langage des libristes, absolument magnifique. Un hack, c'est détourner une chose de sa fonction pour lui en faire faire une autre. Il fait un hack magnifique, il fait un hack sur la notion de copyright, et donc il dit, moi Stallman, je dépose mes logiciels sous un copyright particulier. Donc, je ne nie pas le droit de propriété. Mais, en tant que détenteur du copyright, je déclare que mon logiciel, il est copiable, reproductible, libre d'accès, que le code source ne peut jamais être ni breveté, ni soumis à un autre copyright. Donc, j'utilise le droit de propriété contre lui-même. J'utilise le droit de propriété, plein et entier, mon copyright, d'accord, personne n'y touche, pour dire, c'est à tout le monde, je fais un commun avec. Voilà. Et donc, dans cette foulée, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, parce qu'il y a toute une histoire, il y a Lessing qui va fabriquer toute une série de licences de ce type, ce qu'on appelle les licences Creative Commons, dans cette foulée vont naître les communs informationnels. Hein. Et le Internet, c'est le commun des communs, c'est-à-dire qu'il est le commun des communs informationnels, c'est-à-dire qu'il héberge des centaines, des milliers de communs, c'est-à-dire de bases de données les plus diverses, en accès libre et ouvert. Bon, le plus fameux d'entre eux, c'est Wikipédia. Hein, mais vous avez Wikimedia, il y en a une infinité, il en est tous les jours. Voilà. Et donc, en fait, ce monde du libre, qui est un monde, hein, et ça dépasse la question des logiciels, parce que c'est aussi, comment dire, je ne sais pas si vous le savez, mais les mathématiciens, par exemple, ça fait très longtemps, les grands mathématiciens, ça fait très longtemps que les journaux scientifiques, ils n'en ont plus rien à foutre, qu'ils ne veulent pas perdre leur temps avec ça, et qu'ils ont leur commun, ils ont leur base de données dans lequel ils déposent leurs articles en accès libre, ouvert, et où ça leur permet d'aller plus vite et d'échanger plus vite sur leur découverte et sur leurs travaux. Bon, et des communs de ce type, il y en a en veux-tu, en voilà. Bon. Voilà, tout ça simplement pour dire que On a deux origines des communs. Ces deux origines, elles vont d'ailleurs fusionner à partir des années 90. Les gens des communs fonciers et les gens du libre vont se rencontrer dans des conférences, vont échanger leur philosophie, leurs valeurs, leurs instruments d'analyse, leurs outils juridiques, etc. Bien. Et c'est ça qui donne cette floraison, cette floraison des communs aujourd'hui. Bon, voilà. Je pourrais poursuivre, mais je vais m'arrêter là. Simplement pour dire la chose suivante, parce que je veux quand même conclure. Et ça me paraît quand même important. Voilà. Pour dire que les communs sont quoi ? Les communs sont une alternative au droit exclusif sur des biens gérés comme tels, et que j'insiste, que cette exclusivité, elle soit privative ou publique. Parce que, bon, depuis que j'ai publié mon bouquin, notre bouquin, bon, j'ai participé à des tas de conférences, etc., et j'ai la surprise de rencontrer des gens qui me disent « Ah oui, bon, ah oui, donc vous êtes contre l'intérêt public et tout ça vous êtes contre la chose publique, vous êtes pour les communs et tout ça. » Et là, je suis tombé des nues. Comme si les gens ne savaient pas que le public exerce des droits privatifs sur des biens communs et que le commun est en train d'essayer de restituer ça à la collectivité. Savez-vous, par exemple, qu'il y a des droits privatifs sur la pyramide de paye, que vous pouvez la photographier, mais que vous ne pouvez pas diffuser cette photographie, parce que c'est un copyright exclusif de paye et de la mairie de Paris et du ministère de je ne sais quoi, d'ailleurs. Savez-vous que, par exemple, les échantillons de tissus humains prélevés dans les hôpitaux à l'occasion des maladies, qui constituent des grandes bases de données extrêmement importantes pour la recherche scientifique, et qui sont par excellence du commun, parce que c'est l'hôpital public est financé par la recherche publique, et parce que c'est vos échantillons, les miens, ou ceux de votre frère, ou de votre sœur, ou de vos parents, etc. Eh bien, les hôpitaux sont en train de faire du business avec ça. C'est-à-dire qu'elles n'ouvrent ces échantillons à des collectivités de scientifiques qu'à condition que ces collectivités payent de l'argent. Et ainsi de suite. Le musée du Louvre est en train de vendre son image pour faire des sous en tant que musée du Louvre à un certain nombre de pays du Golfe. Donc, comment dire ? Il ne faut pas s'y tromper. La propriété publique exclusive est ouverte au même travers que la propriété privée exclusive. Et le commun est ce qui restitue l'intérêt public, pas ce qui le diminue. C'est très important, ce point. C'est très important. Bien. Deuxième conclusion, les communs ne viennent à existence et ne peuvent perdurer que sous des conditions et des règles institutionnelles précises. Et il a besoin d'outils juridiques. Bon, c'est ce que je vous disais, j'ai longuement insisté là-dessus, et il en manque, en particulier en droit français. L'existence d'une communauté d'acteurs mobilisés autour du commun, qui gère le commun, qui préserve le commun, est la condition d'existence du commun. Tout commun qui perd sa communauté d'acteurs est voué à mourir dans une enclosure. Et ça, c'est l'expérience universelle. Il n'y a pas de commun sans acteurs. Il n'y a pas de commun sans communauté d'acteurs. Bon, et pour finir, et ça fait peut-être une transition même, éventuellement, avec au moins une partie des choses que vous avez à dire, les communs apparaissent tout à la fois comme des instruments novateurs de gestion des ressources, de préservation des écosystèmes, d'enrichissement des ressources en ce qui concerne les bases de données, et des outils de renouvellement de la démocratie. Alors, ici, moi, je vais être tout à fait clair. Je m'appuie essentiellement sur un auteur italien qui a beaucoup travaillé sur les communs, qui s'appelle Lucarelli. Il n'est pas traduit en français, mais bon, c'est un constitutionnaliste italien, c'est magnifique. Il travaille sur le thème commun et démocratie. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la chose suivante. Il dit, bon, Bien sûr, il est très tentant de dire à bas la démocratie représentative, etc., vive la démocratie participative. Et bon. Malheureusement, nous savons qu'on ne va pas se débarrasser de la démocratie représentative aussi simplement que ça. Mais le commun apporte toute une série de structures intermédiaires de démocratie participative qui peuvent venir corriger, contrôler, tempérer les excès et les dangers de la démocratie purement représentative. Donc, son point de vue, que je partage, ce n'est pas des formes alternatives, c'est des formes dont il faut penser la complémentarité. Bon, voilà, je m'arrête là, il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais...